13h20 sur France Inter, très bon début d'après-midi à toutes et à tous. Vous la débutez avec Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Ce soir-là, alors que j'installais mon magnétophone entre nous, Monsieur X m'apparut soudain plus vieux, plus las. Je ne l'avais jamais vu aussi pessimiste. Et il m'a dit en soupirant, « Lorsqu'une affaire est rendue publique, lorsque la presse s'en empare, c'est qu'il s'est produit un incident, une erreur, une faute, une bavure, comme on dit aujourd'hui. » Alors d'après vous, on ne parle donc que de vos échecs. C'est à peu près ça, oui. Je vais ajouter autre chose. En matière de renseignement, il existe rarement des réussites totales. Nous sommes toujours dans le flou. Le flou, c'est-à-dire Nous avons par exemple réussi à recruter une taupe chez l'adversaire, mais comment être sûr que les documents qu'elle nous communique ne font pas partie d'un plan de désinformation? J'ajoute autre chose. Quand une opération se présente bien, quand tout est mis en place pour qu'elle soit couronnée de succès, il se trouve souvent un incident de dernière minute qui remet tout en cause. Mais quoi? Quel incident, par exemple? Oh, une imprudence, un bavardage, un calcul politique inopportun. Ou alors l'intervention maladroite d'un amateur. Un gaffeur. Ouais. Ou alors un type qui met sa propre gloriole avant l'intérêt national. Mais attendez, là, à quoi ou à qui pensez-vous? Vous vous souvenez de la fameuse affaire des Irlandais de Vincennes? Ça, oui, naturellement. Eh bien, je crois qu'il n'existe pas de plus bel exemple. Les Irlandais de Vincennes. Une malheureuse affaire qui a terni le premier septennat de François Mitterrand. Une affaire qui a commencé par un tonitruant communiqué publié, procédure tout à fait inhabituelle, directement par l'Élysée. Je vous rappelle les termes de la dépêche diffusée par l'agence France Presse à 22h42, le 28 août 1982. Urgent. Deux arrestations jugées importantes ont été opérées aujourd'hui en France dans les milieux du terrorisme international, apprend-on samedi soir à la présidence de la République. Ont été également saisis des documents et des explosifs. Afin de poursuivre l'enquête dans les meilleures conditions, les informations complémentaires ne seront diffusées qu'ultérieurement. Cette information provoque un véritable choc. En effet, en cette année 1982, la France a été frappée à plusieurs reprises par le terrorisme. Et le dernier attentat, le 9 août, est encore dans toutes les mémoires. Ce jour-là, des tueurs ont provoqué un massacre au restaurant Goldenberg, rue des Rosiers, à Paris. Naturellement, cette série d'attentats a traumatisé l'opinion publique. Et l'opposition n'a pas tardé à dénoncer l'impuissance du gouvernement incapable de lutter efficacement contre le terrorisme. Un gouvernement accusé aussi d'avoir remis en liberté les membres d'Action Directe. Toujours au cours de ce mois d'août, l'Élysée réagit. Un secrétariat d'État à la sécurité publique est créé. Et le 18 août, François Mitterrand annonce la mise en place d'une mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme, directement placée sous l'autorité de la présidence de la République. C'est ce qu'on appellera bientôt la cellule antiterroriste de l'Élysée, commandée par le chef du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, le commandant Proutot. Cette décision est bien accueillie, même dans l'opposition. Les gendarmes de l'Élysée sont donc en place. Or, 10 jours seulement après la nomination de Proutot, premier succès. De dangereux terroristes sont appréhendés. On applaudit. Mais bientôt, on va déchanter. L'histoire d'un formidable cafouillage. Avec X. Pour bien comprendre cette histoire, il faut d'abord se rappeler que sa médiatisation a été considérable. Pendant 48 heures, c'est le suspense. Le GIGN a arrêté 3 dangereux terroristes, mais on ne sait pas qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Et les rumeurs les plus folles commencent à courir. Ce sont les tueurs de la rue des Rosiers qui ont été appréhendés. Certains prétendent même que Carlos fait partie du lot. Enfin, d'autres parlent d'Abou Nidal. Mais à ce moment-là, pas question d'Irlandais. Hein, non, mais les communiqués triomphaux se succèdent. On met en avant l'efficacité de la centralisation des moyens et des renseignements. Bref, on est en train de gagner la guerre contre le terrorisme. Certains de vos confrères donnent des informations puisées à bonne source. Ces terroristes ont été arrêtés alors qu'ils allaient commettre un attentat à Paris. Il disposait de considérables stocks d'explosifs. Oui, mais enfin, je veux dire, les services, vous savez. Naturellement. Et tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Ouais. Mais assez rapidement, si je me souviens bien, on va apprendre la vérité, enfin une partie de la vérité. Oui, dès que la PJ se voit confier le dossier et prend livraison des terroristes. On apprend alors qu'il s'agit de 3 Irlandais, 2 hommes et une femme. Dans l'appartement qu'ils occupaient à Vincennes, on a trouvé 500 grammes de plastique, 2 détonateurs, quelques armes de poing et divers documents, dont des cartes d'identité vierges. Oh, ça me semble un maigre butin, ça. Oui, et tout de suite, l'opinion se rend compte que l'affaire a été grossie. D'autant que les Anglais font savoir que ces 3 terroristes ne figuraient pas sur la liste des personnes recherchées par Scotland Yard. Ce qui ne les empêchera pas d'ailleurs d'envoyer discrètement des hommes de la Special Branch à Paris. Le soufflet retombe alors. Aussi vite qu'il est monté ou qu'on l'a monté. Attendez, le on là, c'est le GIGN. Et notamment le capitaine Barry. Ah oui, l'inévitable capitaine Barry. Oui. Alors avant de voir la suite et de vous révéler le dessous des cartes, examinons la version Barry. Le capitaine, qui est alors commandant par intérim du GIGN, puisque Proutot a été nommé à l'Élysée, reçoit un tuyau concernant l'attentat de la rue des Rosiers. Et dit-il, il téléphone aussitôt au commandant Proutot qui se trouve alors en vacances. Et que veut-il alors? Obtenir son feu vert avant de faire quoi que ce soit. J'interromps un instant le récit de Monsieur X. Proutot a raconté ce coup de fil dans un livre récent « Au service du président » paru chez Michel Lafond. Je le cite, c'est d'abord Baril qui parle. « Christian, dis donc, je viens d'avoir un gros tuyau à propos de la rue des Rosiers, c'est vraiment important. » Je connaissais bien Paul pour avoir passé 5 ans à ses côtés au GIGN où il était mon bras droit. Il avait tendance à s'emballer très vite et à prendre ses rêves pour des réalités. C'était le roi des tuyaux tordus. Je l'écoutais donc avec circonspection. Je résume. Baril explique à Proutot qu'un certain Franck lui affirme savoir que ce sont des Irlandais qui ont servi de base arrière pour l'attentat de la rue des Rosiers. Une information recoupée grâce à un copain irlandais. Et Baril d'ajouter, je cite à nouveau Proutot, on suit la trace de ces mecs-là depuis des jours et des jours, je te dis. Tu peux me croire, je te promets. Le Franck en question est français. Il a fait des reconnaissances de sites et stocké des armes comme celles qui ont servi à l'attentat. Il y a des chances pour qu'il me donne la planque des Irlandais à Paris. Si on les attrape, on remonte jusqu'à ceux qui ont fait le coup de la rue des Rosiers, c'est sûr. Baril, à l'évidence, savait y faire. Il a réussi à convaincre Proutot, son ami Proutot. J'ajoute que pour ce dernier, cette affaire était une aubaine, puisqu'il venait à peine d'être nommé à la tête de la cellule antiterroriste. Il faut rappeler que c'est une nomination qui n'avait pas été très bien accueillie par la police. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc, si l'affaire réussissait, la cellule faisait d'emblée la preuve de son efficacité. Exactement, j'ajoute, et c'est important, que le commandant Proutot, qui connaît bien son homme, conseille à Baril la prudence et lui demande de le tenir informé en permanence. Ouais. Alors comment opère justement Baril? C'est toujours sa version, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai très bien compris. Hein. Donc le capitaine se rend à Vincennes, c'est là que demeurerait un homme, un Irlandais, qui serait mêlé à l'attentat de la rue des Rosiers. Son informateur le lui a décrit, c'est un grand costaud de rouquin barbu qui se fait appeler James McCabe. Il doit recevoir la visite de terroristes venant d'Allemagne et des Pays-Bas et doit, paraît-il, réceptionner une importante quantité d'explosifs. Oui, Vincennes, c'est vaste, hein? Oui. Mmh. Alors Baril enquête discrètement, se renseigne sur le marché, finit par atterrir au 82 rue Diderot. Attendez, avec le seul signalement du rouquin barbu? Oui. Très doué, le capitaine. Hein? N'est-ce pas? Là, se présentant comme placier en assurance, il interroge les locataires. Une vieille dame très complaisante lui donne le bon tuyau. Au troisième, vit un étranger barbu qui reçoit souvent et fait beaucoup de bruit. Un autre homme et une femme partagent son logement. Alors Baril se dévoile. C'est-à-dire qu'il donne sa véritable identité. Oui, et il demande à la brave dame de lui téléphoner si elle aperçoit quelque chose de louche. Et la voilà auxiliaire de police. En quelque sorte, oui. Mais le fameux McCabe là, est donc logé, comme on dit, chez les policiers. Et Baril met en place une surveillance avec des hommes du GIGN en civil. Le lendemain matin, le 28 août, la vieille dame téléphone. Dans la nuit, plusieurs hommes sont venus chez McCabe. Ils ont essayé une lourde malle dans l'escalier. Ah, les explosifs. Vous avez tout compris. Aussitôt, Baril téléphone à Proutot. Vite, il faut agir. La version Baril, celle que vient de me donner Monsieur X, a été longuement racontée par le capitaine lui-même dans un livre paru en 1984 sous le titre « Mission très spéciale ». Il y raconte que le 26 août, il a reçu un coup de fil de ses correspondants irlandais, comme il les appelle, c'est-à-dire des membres de la police antiterroriste. Je le cite. Il m'annonçait que selon des renseignements recoupés et qui confirmaient ceux que je possédais, un attentat grave risquait d'être commis à Paris le week-end suivant. Mes correspondants ajoutaient que plusieurs personnes devaient intervenir, dont l'un des chefs du commando, un certain James McCabe. Ce nom d'emprunt était utilisé par un nationaliste irlandais, Michael Plunkett. Selon eux, celui-ci aurait été l'un des organisateurs importants du terrorisme irlandais, ainsi qu'un fournisseur d'armes lié à une structure clandestine et terroriste, l'INLA. Ce personnage, Plunkett, devait avoir des contacts récents avec le FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine. Le lendemain, vendredi 27 août, nouveau coup de fil des correspondants irlandais. J'appris que d'autres terroristes allaient arriver des Pays-Bas et d'Allemagne, soit le vendredi soir, soit le samedi matin, et qu'une fois l'attentat commis, ils devaient repartir vers Amsterdam et Francfort, où ils étaient attendus dès le lundi. L'homme venu des Pays-Bas devait être l'expert en explosifs. J'avais enfin un début de piste sérieux. Le commandant Poutot, vous le pensez bien, devant tant d'informations précises et extraordinaires, ne pouvait pas hésiter un seul instant. Et donc il a donné son feu vert. Oui. Mais quand même, il enjoint à Baril de respecter scrupuleusement la procédure quand le moment sera venu de passer à l'action. Tandis que lui-même se couvrira en informant le ministre de la Défense. Charles Hernieu. Oui. Respecter la procédure, il est méfiant quand même, Poutot. Respecter la procédure, c'est respecter la procédure criminelle, c'est cela. Hein? Bien sûr. Car Paul Baril n'est pas habilité en tant qu'officier de police judiciaire. Ça, je ne savais pas. Qu'à cela ne tienne, on fait appel à un autre commandant de gendarmerie, Beau, qui rêve de travailler aux côtés de Proutot. Malheureusement, il vient d'être nommé à la tête d'une section parisienne de recherche et il n'a pas encore reçu du procureur son habilitation. Alors Beau, qui veut absolument participer à l'opération, demande la coopération d'un de ses adjoints, un major qui les accompagnera et qui, lui, est officier de police judiciaire. C'est bien compliqué. Oui, sans doute. Mais Proutot a été formel, la loi et le code doivent être respectés. Alors comment ça se passe? Bon, je résume. Baril, accompagné d'une dizaine d'hommes du GIGN, investit l'immeuble de la rue Diderot au moment où un des locataires de l'appartement... Un dernier Irlandais, donc. Oui, Stephen King. Donc au moment où celui-ci sort, il est maîtrisé par Baril. Mais l'arrestation est un peu mouvementée. Une occupante de l'immeuble s'affole, appelle police secours... Et les super gendarmes doivent se précipiter au-devant des flics pour leur demander de dégager le terrain. Et pourquoi? Baril veut que l'initiative reste à la gendarmerie. Et surtout, il veut pouvoir établir une souricière après avoir appréhendé tous les Irlandais. Ouais, j'imagine qu'il pense arrêter d'éventuels complices. Oui, il faut donc de la discrétion. Bon, ouais, discrétion. Enfin bon, après la première arrestation, il investit l'appartement? Oui, sans aucune difficulté. Et deux autres personnages sont arrêtés. Le fameux James McCabe, qui se nomme en réalité Michael Plunkett, et une jeune femme, Marie Red. Puis Baril appelle le commandant Beau qui vient avec son major et d'autres gendarmes. Ça fait beaucoup de monde tout ça. Ouais, vous avez raison, et la confidentialité de l'opération ne durera guère. 2 heures après l'opération, on verra des voitures de presse devant l'immeuble. Et que s'est-il passé là pour... Ça, je ne sais pas. Mais il y a certainement eu une fuite quelque part. Enfin, l'important, c'est ce qui se déroule à l'intérieur de l'appartement. Oui, mais à l'intérieur, justement, racontez. C'est la confusion. L'appartement est petit, on se bouscule, et quand le commandant Beau aperçoit un pain de plastique muni d'un détonateur posé sur une étagère, il décide de faire évacuer les Irlandais. Mesure de sécurité. Oui, mais c'est une décision très grave, car elle va entacher d'irrégularité la perquisition qui va suivre. En effet, le code de procédure criminelle exige que les prévenus assistent à la perquisition de leur domicile. Et leurs avocats vont donc s'engouffrer dans cette brèche. Naturellement, mais enfin n'allons pas trop vite. Hein. Dans un premier temps, Baril et les gendarmes de l'Élysée triomphent. Mais ce succès agace. Et qui d'abord? La police nationale d'abord. Mais aussi le tout nouveau secrétaire d'État à la sécurité qui n'a même pas été prévenu. Puis je vous l'ai dit, on se rend vite compte que la prise est plutôt modeste. À partir de là, on va aller de découverte en découverte. Bon, et l'affaire, vous le savez, va devenir une affaire d'État. Oui, mais bon, voyons ça dans le détail. Hein. C'est la presse qui va jouer un rôle décisif, non? Tout à fait. Et c'est le journaliste du Monde, Edwy Plenel, qui va lancer la chasse. Très peu de temps après l'arrestation des Irlandais, il s'interroge sur la régularité de la procédure. Et soulignant que les trois prévenus refusent de reconnaître que les armes et les documents trouvés dans l'appartement leur appartiennent, le journaliste se demande si les gendarmes du GIGN n'auraient pas fait du zèle. Du zèle? Oui, enfin, il laisse entendre que les gendarmes auraient pu fabriquer des preuves, c'est-à-dire apporter ces armes et ce plastique pour mieux coincer les trois Irlandais. Est-ce que vous savez comment Plenel, parce que c'est étonnant, hein, comment Plenel a obtenu cette information? Oui, la fuite est venue de la police. La police qui était ulcérée par la création de la cellule antiterroriste de l'Élysée qui en a profité pour savonner la planche des gendarmes. Bon. Et justement, comment les gendarmes réagissent alors? Chez eux, on comprend aussitôt le danger, comme on a dit en d'autres temps, on verrouille. Que voulez-vous dire? On organise le mensonge. Le commandant Beau convoque tout son monde et dit, d'accord, On a fait des erreurs de procédure, tout n'a pas été régulier, mais silence, pas question de le reconnaître. Et Baril, lui? Bah, le capitaine est déjà parti vers de nouvelles aventures, lui. Ça ne le regarde plus. Il a joué son rôle, il a tenu la vedette, ça lui suffit. Ces histoires de procédure, il s'en lave les mains. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire ces quelques lignes extraites du livre d'Edoui Plenel, « Ma part d'ombre » paru chez Stock en 1992. Le directeur actuel de la rédaction du Monde y trace un portrait sans complaisance de Paul Baril. Relevant que le capitaine a écrit dans son propre ouvrage, que j'ai déjà cité, « J'aime les histoires d'hommes », le journaliste commente. Peu sophistiqué, l'énoncé tient certes du vade-mecum pour Boy Scout sécuritaire. Réseau d'amitié, fraternité virile, amour des armes, respect de ceux qui s'affrontent au danger, à la peur, au regard des hommes. Mais l'important est ailleurs, dans l'aveu d'une fascination sincère pour ceux qui violent, interdits et tabous. Le double intime de Baril est le bandit supposé d'honneur, Pierre Conti, l'ami d'enfance des Hautes-Alpes, le compagnon des chasses aux chamois, l'écolo devenu braqueur, surnommé le tueur de l'Ardèche, avant de disparaître on ne sait où ni comment. Ou Jacques Mesrine, le truand pris au piège mortel de sa légende d'ennemi public, avec lequel il communiera dans le culte des anciens paras, ceux qui ont franchi une porte, un seuil invisible de l'extérieur. Mais Baril va quand même être rattrapé par les événements. Oui, mais tardivement. Et d'ailleurs, très étrangement, ce sera le seul personnage de cette affaire à passer à travers les gouttes d'eau. Alors qu'il est à l'origine de tout. C'est curieux, ça. Hein? Ah, tout à fait. Aujourd'hui encore, on peut s'interroger sur là où les protections dont il a bénéficié. Bah, vous avez une idée? Bah, à mon avis, on n'avait sans doute pas envie qu'il parle. Baril a toujours été mêlé à de curieuses affaires. Enfin, je n'en dirai pas plus. Ouais, je regrette, moi. Enfin, écoutez, revenons à la chronologie. Bientôt, un pétard explose dans la main des gendarmes. Quoi, alors? Un des sous-officiers qui a opéré sous l'autorité du commandant Beau est arrêté. Et que lui reproche-t-on? Une affaire de corruption assez mineure, en fait. Mais ça lui vaut d'aller en prison. Alors pour se venger, le gendarme raconte ce qu'il sait de l'affaire des Irlandais de Vincennes. Et il rompt la consigne de silence imposée par son supérieur. C'est tout à fait ça. Ouais. Immédiatement, le juge d'instruction chargé de l'affaire réagit et petit à petit, il va dévider la pelote. Le résultat, c'est que la procédure va être annulée, que les trois Irlandais vont être libérés. Et le scandale est à la hauteur du triomphalisme du communiqué élyséen. Les gendarmes sont inculpés à leur tour. Et ils vont se déchirer entre eux. Sans compter qu'on va mettre en cause les gendarmes de l'Élysée, comme on les appelle. Oui, que Mitterrand, à son tour, sera monté du doigt. Bien sûr, l'occasion est trop belle. À travers Proutot, c'est le président qui est visé. Et tous ceux qui voyaient d'un mauvais œil la création de la cellule antiterroriste de l'Élysée en profitent pour participer à la curée. Bah, il faut quand même reconnaître que de sérieuses erreurs ont été commises. Bien sûr, mais toutes ces attaques largement médiatisées ne vont servir qu'à noyer le poisson. C'est-à-dire ça. Bah, on va complètement oublier le fond de l'affaire. Mais heureusement, un personnage va sortir de l'ombre et grâce à lui, on va un peu mieux comprendre. Oh, rendez-vous avec X. L'affaire des Irlandais de Vincennes va être catastrophique pour la gendarmerie et va révéler de graves dysfonctionnements. Un général va être chargé par le ministère d'une enquête de commandement. Il rédige un rapport extrêmement sévère qui sera longtemps classé secret défense. En voici un extrait. L'utilisation du GIGN pour des missions occultes de lutte antiterroriste ne me paraît pas conforme à l'esprit dans lequel a été créée cette unité. Elle ne peut que porter préjudice à son renom et à celui de la gendarmerie dont elle fait partie intégrante. Il faut rendre le GIGN à sa mission initiale. Il ne me paraît pas sain que l'emploi et surtout la vie quotidienne de cette unité ne soient pas contrôlés par la hiérarchie de l'arme. Il me paraît anormal que la direction générale de la gendarmerie ignore la plupart du temps ce que fait le GIGN et où se trouvent les militaires qui la composent. Or, depuis que le chef d'escadron Proutot a été chargé de mission dans la lutte antiterroriste, la direction générale n'est plus informée de la majorité des déplacements du GIGN et apprend fréquemment, par la voix de la presse, la présence insolite de militaires du GIGN, généralement en tenue civile, en un point quelconque du territoire. Le rapport Boyer recommande donc la mise au pas de cette unité et le remplacement du capitaine Baril par un autre officier. Et le général préconise qu'il lui soit infligé des sanctions exemplaires. Mais, M. X l'a déjà dit, Baril échappera à toute sanction disciplinaire ou judiciaire. M. X, qui m'annonçait, lorsque j'ai interrompu son récit, l'irruption d'un mystérieux personnage. Cet homme s'appelle, ou plutôt s'appelait, car il est mort en 1995, Bernard Géga. Qui était-ce? Un intellectuel d'extrême gauche et surtout un idéaliste. Un type complètement imprégné des idées de mai 68 et prêt à se lancer à corps perdu dans la défense des justes causes, fussent-elles dangereuses ou aventureuses. Mmh. C'est comme ça qu'on devient terroriste, hein, avec les meilleures raisons du monde. C'est juste, et Jega a longtemps flirté avec l'illégalité. Mais de quelle façon? À plusieurs reprises, il essaye de prendre contact avec des militants tiers-mondistes. Il fait même un stage d'entraînement militaire à Beyrouth avec des Palestiniens. Mais c'est chez les Irlandais qu'il trouve sa voie. Les Irlandais de l'IRA? Non. Avec une autre organisation clandestine, l'INLA, qui est la branche armée du Parti Socialiste Républicain Irlandais, une version marxiste de l'IRA. Et que fait-il avec ces militants clandestins? À la fin des années 70, ce journaliste pigiste est mis en relation avec McCabe. McCabe qui s'appelle en réalité Plunkett, on le sait maintenant. Oui, ouais. Oui. McCabe se trouve à Paris, il est recherché par la police anglaise et il cherche une planque. Jega accepte de l'héberger chez lui. Et puis bientôt, il va aider l'Irlandais en dissimulant des armes chez lui et en lui servant à l'occasion de coursier. Un jour, il voit même McCabe Plunkett arriver chez lui avec plusieurs kilos de plastique. Et ça ne le trouble pas? Non, non, d'abord parce que la cause irlandaise lui semble juste, et ensuite parce que les terroristes irlandais se sont engagés à ne pas agir sur notre territoire. Il a donc parfaitement bonne conscience. Jusqu'en mai 81, tout au moins. Mai 81, parce que l'arrivée au pouvoir des socialistes change quelque chose pour lui? Oui. Soudain, Jega estime que ce changement politique lui impose de réviser ses relations avec les terroristes irlandais. Et il le fait vraiment? Assez naïvement, il essaie de prendre contact avec le nouveau pouvoir, mais ses efforts restent vains. Enfin, je ne comprends pas, là. Qu'espérait-il? Apporter des informations. Donc trahir ses amis irlandais? Non, dans son esprit, ça, c'est d'abord de venir en aide aux socialistes. C'est bizarre, quand même. Oui, je suis d'accord. D'autant plus que Jega ne rompt pas avec McCabe Plunkett. Au contraire, presque malgré lui, il se trouve de plus en plus compromis. Et il s'aperçoit que les clandestins irlandais ont des relations avec d'autres mouvements terroristes européens et moyen-orientaux. Et ça ne le gêne pas? Jusqu'à l'attentat de la rue des Rosiers, non. Pourquoi cet attentat plutôt qu'un autre? Parce qu'en 1982, il faut se le rappeler, hein, la France est durement frappée. Oui, mais la compagne de Jega est juive. Et Jega est horrifié par cet attentat antisémite. D'autant que la presse publie des portraits robots et qu'il croit reconnaître McCabe. Alors d'un seul coup, il décide de réagir et de changer de camp. Hmm. Comment procède-t-il? Il prend contact avec le directeur du Nouvel Observateur. Jean Daniel? Lui-même. Ouais. Il pense en effet que le journaliste doit avoir l'oreille du nouveau pouvoir. Ouais, c'est pas faux ça, mais comment réagit Jean Daniel? Il se rappelle opportunément qu'une de ses collaboratrices a récemment écrit un article sur le capitaine Baril et le JIGN. Et c'est ainsi que Jega est mis en relation avec Baril. Alors, le véritable informateur de Baril, c'est lui? Naturellement. Le reste n'est que pure invention. Donc c'est à partir des confidences de Jega que Baril monte l'opération. Et ça veut dire aussi que dès le départ, il sait où se trouve le faux McCabe. Bien sûr, puisque Jega lui a donné son adresse. Alors l'enquête de voisinage, la balade sur le marché pour identifier le grand barbu rouquin, tout ça c'est du pipeau. Ouais. Et on peut donc penser que Jega a tout de suite été en confiance avec le capitaine du GIGN. Oui, l'autre lui a fait le grand jeu du super gendarme et ça a marché. Jega s'est laissé embobiner. Car je vous ai pas encore tout dit. Jega, lorsqu'il rencontre Baril, sans doute pour le convaincre de l'authenticité de ses révélations, lui dit que Plunkett a laissé chez lui en dépôt une petite quantité de plastique, des détonateurs, des armes et des documents, en particulier des cartes d'identité vierge. Baril demande à voir et d'après Jega, il s'empare de tout. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans l'appartement de Vincennes. Oui, elles ont été amenées pour mieux confondre les trois Irlandais. Bon, on a donc fabriqué des preuves, c'est donc clair. Ça, ouais. Ça me semble clair, oui, ouais. Effectivement. Mais après l'arrestation des Irlandais, Jega va forcément se rendre compte qu'il a été manipulé. Oui, mais que peut-il faire? Menacer Baril? Mais c'est celui-ci qui lui fait peur. Il est le seul à savoir que c'est Jega qui a dénoncé les Irlandais. Si jamais l'information transpirait, la vie de Jega serait en danger. Donc Jega va se taire? Exactement. Et il ne commencera à rouler dans les brancards que lorsque le scandale éclatera. Mais il aura bien du mal à se faire entendre. Pire, ce sera même une des vraies victimes de l'affaire, puisqu'il sera inculpé et condamné pour complicité. Mmh. Alors revenons à ce que vous me disiez au tout début de cet entretien. Vous avez parlé de gâchis, de cafouillage... Oui, pour bien comprendre, il faut d'abord voir les réactions de la presse au moment où a éclaté l'affaire. Non seulement on a mis en cause les méthodes de gendarmes, mais on a pris fait et cause pour les Irlandais. Alors, en affirmant, non sans raison, hein, que leur arrestation avait été illégale. Et qu'ils n'étaient que des nationalistes irlandais, pas des terroristes. Ça, je me souviens très bien, oui. Il ne faut pas oublier non plus qu'à la même époque, Margaret Thatcher venait de laisser mourir en prison une dizaine de militants de l'IRA qui faisaient une grève de la faim. Ouais. Vous voulez dire que l'opinion était plutôt favorable aux nationalistes irlandais? Tout à fait, et à gauche surtout, on était révoltés contre le Premier ministre britannique. Alors, ce gâchis? Les services étaient sur le coup depuis longtemps. Les services lesquels? DST, DGSE? Les deux. Nous avions depuis longtemps les terroristes irlandais à l'œil. Oui, pourquoi? Mais tant qu'ils n'agissaient pas en France, non? C'est juste, mais des informations très précises nous permettent de penser que les Irlandais avaient pris contact avec d'autres mouvements terroristes. Mais comment en êtes-vous arrivé là? Les armes, les explosifs utilisés par les uns et les autres étaient souvent de la même origine. Donc ils avaient les mêmes fournisseurs? Oui, il leur arrivait d'échanger ces armes en fonction des cibles choisies. Il existait donc une sorte de coopération internationale entre terroristes? C'est tout à fait ça, et nous étions très vigilants. Mais patatras, l'initiative intempestive de Baril a tout fichu en l'air. Imaginez ce qu'on aurait pu faire si Jega s'était adressé à nous au lieu de le parler à Baril. Grâce à lui, on aurait pu infiltrer les réseaux terroristes et obtenir à terme des résultats. Les affaires de renseignement, ça demande du doigté, ça ne se traite pas avec des gros sabots. Oui. Il y a un point que nous avons laissé dans l'ombre, hein, le déclic qui a fait agir Jega. Mais vous dites, c'est la publication des portraits robots établis après l'attentat de la rue des Rosiers. Oui, il a cru reconnaître celui qu'il connaissait sous le nom de McCabe. Alors, l'Irlandais faisait-il vraiment partie du commando? Un commando qu'on n'a jamais identifié d'ailleurs, hein? Non. McCabe Plunkett n'en était pas. Sur ce point, Jega s'est trompé. Et c'est bien dommage, parce que l'affaire des Irlandais de Vincennes n'aurait jamais existé, et que les services auraient traité le dossier à leur manière, qui est bien plus efficace que celle de M. Baril. Et surtout, beaucoup plus discrète. Gilles Ménage, l'homme qui a suivi auprès de François Mitterrand les questions de police et de sécurité, vient de publier chez Fayard un ouvrage « L'œil du pouvoir ». Voici ce qu'il écrit à propos de cette affaire. Les correspondants anglais de nos services de renseignement, rencontrés au début de l'année 1983, étaient littéralement catastrophés par le gâchis qui avait résulté des initiatives intempestives de l'irresponsable capitaine. Selon leur expérience, il fallait 10 ans pour infiltrer et traiter une source de la valeur de Bernard Jega. Paul Baril avait réussi l'exploit de bousiller en 3 jours une occasion exceptionnelle qui lui avait été apportée par les circonstances, pas même comme un résultat de ses investigations ou de son talent. Autre chose qui confirme la thèse de M. X. Le directeur de la DST de l'époque a rédigé une note sur l'imbrication des différents mouvements terroristes. Marcel Chalet concluait ainsi. De l'ensemble des faits observés et des informations à notre possession, se dégage ainsi clairement l'image d'une nébuleuse terroriste de caractère international où une chaîne de liaison est établie entre des organisations ou personnages aussi dangereux que Carlos, Breguet-Kop, l'ETA politico-militaire, l'IRA, et divers extrémistes européens et palestiniens. Enfin, dans une autre note publiée 2 jours avant l'arrestation des Irlandais de Vincennes, la DST évoquait la possibilité très proche d'attentats irlandais en France contre des intérêts britanniques, notamment des sociétés pétrolières, et terminait ainsi. Parallèlement à ces rumeurs d'attentats, il convient de noter la présence en France, selon les services anglais, de ressortissants irlandais, membres de l'IRA ou de l'INLA. La localisation des intéressés est en cours. Sans nul doute, c'était les Irlandais de Vincennes qui étaient ainsi désignés. À samedi prochain sur France Inter, et je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com.